back over yonder now, baby. Non, non, c'est un chromatique. Ce qui fait que je joue dans n'importe quelle tonalité sans problème. En sol, je dois en avoir un. Pas les diatoniques tellement. C'est vraiment limité. Je les utilise que quand je joue et que je chante avec le porte-harmonica. Envoie, évite d'être en dièse parce que c'est un peu chiant là, sans arrêt sur le piston. Dans un accord ouvert, c'est bon. L'idéal c'est d'en avoir deux, un en sol et un en G, un en do, parce que parfois tu t'étouffes, t'as des tonalités où il faut simplement aspirer et c'est la folie. Thank you. théorie qu'il faut brancher les guitares, mais... Salut Grizzly. Ouais, j'ai le casque, hein, pourtant. J'ai pas de... Les enceintes de monitoring, elles sont coupées. Ben, il va qu'il y a un putain de vent, je suis parti à moto cet après-midi. En ligne droite, j'étais penché, putain, une horreur. Avec une 7,5 Suzuki toute carénée, c'est la folie. Putain, j'étais obligé de me coucher dessus. J'ai les piles qui sont à plat, moi. Thank you.